Les Confessions, livre 8, 1749. J'ai dû faire une pause à la fin du précédent livre. Avec celui-ci, commence dans sa première origine la longue chaîne de mes malheurs. Ayant vécu dans deux des plus brillantes maisons de Paris, je n'avais pas laissé, malgré mon peu d'entre-gens, d'y faire quelques connaissances. J'avais fait entre autres, chez Madame Dupin, celle du jeune prince héréditaire de Saxe-Gotha et du baron de Thun, son gouverneur. J'avais fait chez M. de la Poplinière celle de M. Ségui, ami du baron de Thun, et connu dans le monde littéraire par sa belle édition de Rousseau. Le baron nous invita, M. Ségui et moi, d'aller passer un jour ou deux à Fontenay-sous-Bois, où le prince avait une maison. Nous y fûmes. En passant devant Vincennes, je sentis, à la vue du donjon, un déchirement de cœur dont le baron remarqua l'effet sur mon visage. À souper, le prince parla de la détention de Diderot. Le baron, pour me faire parler, accusa le prisonnier d'imprudence. J'en mis dans la manière impétueuse dont je le défendis. L'on pardonna cet excès de zèle à celui qu'inspire un ami malheureux, et l'on parla d'autre chose. Il y avait là deux Allemands attachés au prince, l'un, appelé M. Klomfel, homme de beaucoup d'esprit, était son chapelain, et devint ensuite son gouverneur, après avoir supplanté le baron. L'autre était un jeune homme, appelé M. Grimm, qui lui servait de lecteur en attendant qu'il trouvât quelque place, et dont l'équipage très mince annonçait le pressant besoin de la trouver. Dès ce même soir, Klopfel et moi commençâmes une liaison qui devint bientôt amitié. Celle avec le sieur Grimm n'alla pas tout à fait si vite. Il ne se mettait guère en avant, bien éloigné de ce ton avantageux que la prospérité lui donna dans la suite. Le lendemain, à dîner, l'on parla de musique. Il en parla bien. Je fus transporté d'aise en apprenant qu'il accompagnait du clavecin. Après le dîner, on fit apporter de la musique. Nous musiquâmes tout le jour au clavecin du prince. Et ainsi commença cette amitié qui d'abord me fut si douce, enfin si funeste, et dont j'aurai tant à parler désormais. En revenant à Paris, j'y appris l'agréable nouvelle que Diderot était sorti du donjon, et qu'on lui avait donné le château et le parc de Vincennes pour prison, sur sa parole, avec permission de voir ses amis. Qu'il me fut dur de n'y pouvoir courir à l'instant même. Mais, retenu deux ou trois jours chez Madame Dupin par des soins indispensables, après trois ou quatre siècles d'impatience, je volai dans les bras de mon ami. Moment inexprimable. Il n'était pas seul. D'Alembert et le trésorier de la Sainte-Chapelle étaient avec lui. En entrant, je ne vis que lui, je ne fis qu'un saut, un cri, je collai mon visage sur le sien. Je le serrai étroitement sans lui parler autrement que par mes pleurs et mes sanglots. J'étouffais de tendresse et de joie. Son premier mouvement, sorti de mes bras, fut de se tourner vers l'ecclésiastique et de lui dire « Vous voyez, monsieur, comment m'aiment mes amis ?» Tout entier à mon émotion, je ne réfléchis pas alors à cette manière d'en tirer avantage. Mais en y pensant quelquefois depuis ce temps-là, j'ai toujours jugé qu'à la place de Diderot, ce n'eût pas été la première idée qui me serait venue. Je le trouvais très affecté de sa prison. Le donjon lui avait fait une impression terrible, et quoiqu'il fût agréablement au château, et maître de ses promenades dans un parc qui n'est pas même fermé de murs, il avait besoin de la société de ses amis pour ne pas se livrer à son humeur noire. Comme j'étais assurément celui qui compatissait le plus à sa peine, je crus aussi être celui dont la vue lui serait la plus consolante. Et tous les deux jours, au plus tard, malgré des occupations très exigeantes, j'allais, soit seul, soit avec sa femme, passer avec lui les après-midi. Cette année 1749, l'été fut d'une chaleur excessive. On compte 2 lieues de Paris à Vincennes. Peu en état de payer des fiacres, à 2 heures après-midi, j'allais à pied quand j'étais seul, et j'allais vite pour arriver plus tôt. Les arbres de la route, toujours élagués à la mode du pays, ne donnaient presque aucune ombre, et souvent, rendu de chaleur et de fatigue, je m'étendais par terre, n'en pouvant plus. Je m'avisais, pour modérer mon pas, de prendre quelques livres. Je pris un jour le Mercure de France, et tout en marchant et le parcourant, je tombai sur cette question proposée par l'Académie de Dijon pour le prix de l'année suivante. Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. À l'instant de cette lecture, je vis un autre univers et je devins un autre homme. Quoique j'aie un souvenir vif de l'impression que j'en reçus, les détails m'en sont échappés depuis que je les ai déposés dans une de mes 4 lettres à M. de Malesherbes. C'est une des singularités de ma mémoire qui mérite d'être dite. Quand elle me sert, ce n'est qu'autant que je me suis reposée sur elle. Sitôt que j'en confie le dépôt au papier, elle m'abandonne. Et dès qu'une fois j'ai écrit une chose, je ne m'en souviens plus du tout. Cette singularité me suit jusque dans la musique. Avant de l'apprendre, je savais par cœur des multitudes de chansons. Sitôt que j'ai su chanter des airs notés, je n'en ai pu retenir aucun. Et je doute que de ceux que j'ai le plus aimés, j'en puisse aujourd'hui redire un seul tout entier. Ce que je me rappelle bien distinctement dans cette occasion, c'est qu'arrivant à Vincennes, j'étais dans une agitation qui tenait du délire. Diderot l'aperçut, je lui en dis la cause, et je lui lus la prosopopée de Fabricius, écrite en crayon sous un chêne. Il m'exhorta de donner l'essor à mes idées et de concourir au prix. Je le fis. Et dès cet instant, je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l'effet inévitable de cet instant d'égarement. Mes sentiments se montèrent avec la plus inconcevable rapidité au ton de mes idées. Toutes mes petites passions furent étouffées par l'enthousiasme de la vérité, de la liberté, de la vertu. Et ce qu'il y a de plus étonnant est que cette effervescence se soutint dans mon cœur durant plus de 4 ou 5 ans, à un aussi haut degré peut-être qu'elle ait jamais été dans le cœur d'aucun autre homme. Je travaillais ce discours d'une façon bien singulière et que j'ai presque toujours suivi dans mes autres ouvrages. Je lui consacrais les insomnies de mes nuits. Je méditais dans mon lit, à yeux fermés, et je tournais et retournais mes périodes dans ma tête avec des peines incroyables. Puis, quand j'étais parvenu à en être content, je les déposais dans ma mémoire jusqu'à ce que je pusse les mettre sur le papier. Mais le temps de me lever et de m'habiller me faisait tout perdre. Et quand je m'étais mise à mon papier, il ne me venait presque plus rien de ce que j'avais composé. Je m'avisai de prendre pour secrétaire Madame Levasseur. Je l'avais logée, avec sa fille et son mari, plus près de moi. Et c'était elle qui, pour m'épargner un domestique, venait tous les matins allumer mon feu et faire mon petit service. À son arrivée, je lui dictais de mon lit mon travail de la nuit. Et cette pratique, que j'ai longtemps suivie, m'a sauvé bien des oublis. Quand ce discours fut fait, je le montrai à Diderot, qui en fut content et m'indiqua quelques corrections. Cependant, cet ouvrage, plein de chaleur et de force, manque absolument de logique et d'ordre. De tous ceux qui sont sortis de ma plume, c'est le plus faible de raisonnement et le plus pauvre de nombre et d'harmonie. Mais avec quelque talent qu'on puisse être né, l'art d'écrire ne s'apprend pas tout d'un coup. Je fis partir cette pièce sans en parler à personne autre, si ce n'est, je pense, à Grimm, avec lequel, depuis son entrée chez le comte de Friese, je commençais à vivre dans la plus grande intimité. Il avait un clavecin qui nous servait de point de réunion et autour duquel je passais avec lui tous les moments que j'avais de libre, à chanter des airs italiens et des barcaroles sans trêve et sans relâche du matin au soir, ou plutôt du soir au matin. Et, sitôt qu'on ne me trouvait pas chez Madame Dupin, on était sûr de me trouver chez Monsieur Grimm, ou du moins avec lui, soit à la promenade, soit au spectacle. Je cessais d'aller à la comédie italienne où j'avais mes entrées, mais qu'il n'aimait pas, pour aller avec lui en payant à la comédie française, dont il était passionné. Enfin, un attrait si puissant me liait à ce jeune homme, et j'en devins tellement inséparable que la pauvre tante elle-même en était négligée. C'est-à-dire que je la voyais moins, car jamais un moment de ma vie mon attachement pour elle ne s'est affaibli. Cette impossibilité de partager à mes inclinations le peu de temps que j'avais de libre renouvela plus vivement que jamais le désir que j'avais depuis longtemps de ne faire qu'un ménage avec Thérèse. Mais l'embarras de sa nombreuse famille et surtout le défaut d'argent pour acheter des meubles m'avait jusqu'alors retenu. L'occasion de faire un effort se présenta et j'en profitai. Monsieur de Franqueuil et Madame Dupin, sentant bien que 800 ou 900 francs par an ne pouvaient me suffire, portèrent de leur propre mouvement mon honoraire annuel jusqu'à 50 louis. Et de plus, Madame Dupin, apprenant que je cherchais à me mettre dans mes meubles, m'aida de quelques secours pour cela. Avec les meubles qu'avait déjà Thérèse, nous mîmes tout en commun, et ayant loué un petit appartement à l'hôtel de Languedoc, rue de Grenelle-Saint-Honoré, chez de très bonnes gens, nous nous y arrangeâmes comme nous pûmes, et nous y avons demeuré paisiblement et agréablement pendant 7 ans, jusqu'à mon délogement pour l'ermitage. Le père de Thérèse était un vieux bonhomme très doux, qui craignait extrêmement sa femme et qui lui avait donné pour cela le surnom de lieutenant criminel, que Grimm, par plaisanterie, transporta dans la suite à la fille. Madame Levasseur ne manquait pas d'esprit, c'est-à-dire d'adresse. Elle se piquait même de politesse et d'air du grand monde. Mais elle avait un patelinage mystérieux qui m'était insupportable, donnant d'assez mauvais conseils à sa fille, cherchant à la rendre dissimulée avec moi, et cajolant séparément mes amis aux dépens les uns des autres et aux miens. Du reste, assez bonne mère, parce qu'elle trouvait son compte à l'être, et couvrant les fautes de sa fille parce qu'elle en profitait. Cette femme, que je comblais d'attention, de soins, de petits cadeaux, et dont j'avais extrêmement à cœur de me faire aimer, était, par l'impossibilité que j'éprouvais d'y parvenir, la seule cause de peine que j'eusse dans mon petit ménage. Et du reste, je puis dire avoir goûté, durant ces 6 ou 7 ans, le plus parfait bonheur domestique que la faiblesse humaine puisse comporter. Le cœur de ma Thérèse était celui d'un ange. Notre attachement croissait avec notre intimité. Et nous sentions davantage de jour en jour combien nous étions faits l'un pour l'autre. Si nos plaisirs pouvaient se décrire, ils feraient rire par leur simplicité. Nos promenades tête à tête hors de la ville, où je dépensais magnifiquement 8 ou 10 sous à quelques guinguettes, nos petits soupers à la croisée de ma fenêtre, assis en vis-à-vis sur de petites chaises posées sur une malle qui tenait la largeur de l'embrasure. Dans cette situation, la fenêtre nous servait de table. Nous respirions l'air, nous pouvions voir les environs, les passants, et, quoiqu'au 4e étage, plonger dans la rue tout en mangeant. Qui décrira, qui sentira les charmes de ces repas, composés, pour tout mets, d'un quartier de gros pain, de quelques cerises, d'un petit morceau de fromage et d'un demi-sautier de vin que nous buvions à nous deux. Amitié, confiance, intimité, douceur d'âme, que vos assaisonnements sont délicieux. Quelquefois, nous restions là jusqu'à minuit, sans y songer, et sans nous douter de l'heure, si la vieille maman ne nous eût avertis. Mais laissons ces détails qui paraîtront insipides ou risibles. Je l'ai toujours dit et senti, la véritable jouissance ne se décrit point. J'en eus à peu près dans le même temps une plus grossière, la dernière de cette espèce que j'ai eu à me reprocher. J'ai dit que le ministre Klopfel était aimable, mes liaisons avec lui n'étaient guère moins étroites qu'avec Grimm et devinrent aussi familières. Il mangeait quelquefois chez moi, ses repas, un peu plus que simples, étaient égayés par les fines et folles polissonneries de Klopfel et par les plaisants germanismes de Grimm qui n'étaient pas encore devenus puristes. La sensualité ne présidait pas à nos petites orgies, mais la joie y suppléait, et nous nous trouvions si bien ensemble que nous ne pouvions nous quitter. Klopfel avait mis dans ses meubles une petite fille qui ne laissait pas d'être à tout le monde parce qu'il ne pouvait pas l'entretenir à lui tout seul. Un soir, en entrant au café, nous le trouvâmes qui en sortait pour aller souper avec elle. Nous le raillâmes. Il s'en vengea galamment en nous mettant du même souper, et puis nous raillant à son tour. Cette pauvre créature me parut d'un assez bon naturel, très douce et peu faite à son métier, auquel une sorcière qu'elle avait avec elle la stylait de son mieux. Les propos et le vin nous égayèrent au point que nous nous oubliâmes. Le bon Klopfel ne voulut pas faire ses honneurs à demi, et nous passâmes tous trois, successivement, dans la chambre voisine avec la pauvre petite, qui ne savait si elle devait rire ou pleurer. Grimm a toujours affirmé qu'il ne l'avait pas touchée. C'était donc pour s'amuser à nous impatienter qu'il resta si longtemps avec elle, et s'il s'en abstint, il est peu probable que ce fût par scrupule, puisque, avant d'entrer chez le comte de Friese, il logeait chez des filles au même quartier Saint-Roch. Je sortis de la rue des Moineaux, où logeait cette fille, aussi honteux que Saint-Preux sortit de la maison où on l'avait enivré, et je me rappelais bien mon histoire en écrivant la sienne. Thérèse s'aperçut à quelques signes, et surtout à mon air confus, que j'avais quelques reproches à me faire. J'en allégeais le poids par ma franche et prompte confession. Je fis bien, car dès le lendemain, Grimm vint en triomphe lui raconter mon forfait en l'aggravant, et depuis lors, il n'a jamais manqué de lui en rappeler malignement le souvenir. En cela, d'autant plus coupable que, l'ayant mis librement et volontairement dans ma confidence, j'avais droit d'attendre de lui qu'il ne m'en ferait pas repentir. Jamais je ne sentis mieux qu'en cette occasion la bonté de cœur de ma Thérèse, car elle fut plus choquée du procédé de Grimm qu'offensée de mon infidélité, et je n'essuyai de sa part que des reproches touchants et tendres dans lesquels je n'aperçus jamais la moindre trace de dépit. La simplicité d'esprit de cette excellente fille égalait sa bonté de cœur, c'est tout dire. Mais un exemple qui se présente mérite pourtant d'être ajouté. Je lui avais dit que Klopfel était ministre et chapelain du prince de Saxe-Gotha. Un ministre était pour elle un homme si singulier que, confondant comiquement les idées les plus disparates, elle s'avisa de prendre Klopfel pour le pape. Je la crus folle la première fois qu'elle me dit, comme je rentrais, que le pape m'était venu voir. Je la fis expliquer, et je n'eus rien de plus pressé que d'aller conter cette histoire à Grimm et à Klopfel, à qui le nom de pape en resta parmi nous. Nous donnâmes à la fille de la rue des Moineaux le nom de papesse Jeanne. C'étaient des rires inextinguibles. Nous étouffions. Ceux qui, dans une lettre qu'il leur a plu de m'attribuer, m'ont fait dire que je n'avais ri que deux fois en ma vie, ne m'ont pas connue dans ce temps-là, ni dans ma jeunesse, car assurément, cette idée n'aurait jamais pu leur venir. L'année suivante, 1750, comme je ne songeais plus à mon discours, j'appris qu'il avait remporté le prix à Dijon. Cette nouvelle réveilla toutes les idées qui me l'avaient dictée, les anima d'une nouvelle force

à tous ceux à qui j'avais déclaré nos liaisons. Je le dis à Diderot, à Grimm, je l'appris dans la suite à Madame d'Épinay, et dans la suite encore à Madame de Luxembourg. Et cela librement, franchement, sans aucune espèce de nécessité, et pouvant aisément le cacher à tout le monde. Car la Gouin était une honnête femme très discrète, et sur laquelle je comptais parfaitement. Le seul de mes amis à qui j'eus quelque intérêt de m'ouvrir fut le médecin Thierry, qui soigna ma pauvre tante dans une de ses couches où elle se trouva fort mal. En un mot, je ne mis aucun mystère à ma conduite, non seulement parce que je n'ai jamais rien su cacher à mes amis, mais parce qu'en effet, je n'y voyais aucun mal. Tout pesé, je choisis pour mes enfants le mieux, ou ce que je crus l'être. J'aurais voulu, je voudrais encore, avoir été élevée et nourrie comme ils l'ont été. Tandis que je faisais ainsi mes confidences, Madame Levasseur les faisait aussi de son côté, mais dans des vues moins désintéressées. Je les avais introduites, elle et sa fille, chez Madame Dupin, qui, par amitié pour moi, avait mille bontés pour elle. La mère l'a mis dans le secret de sa fille. Madame Dupin, qui est bonne et généreuse, et à qui elle ne disait pas combien, malgré la modicité de mes ressources, j'étais attentif à pourvoir à tout, y pourvoyait de son côté, avec une libéralité que, par l'ordre de la mère, la fille m'a toujours cachée durant mon séjour à Paris, et dont elle ne me fit l'aveu qu'à l'ermitage, à la suite de plusieurs autres épanchements de cœur. J'ignorais que Madame Dupin, qui ne m'en avait jamais fait le moindre semblant, fût si bien instruite. J'ignore encore si Madame de Chenonceau, sa bru, le fut aussi. Mais Madame de Franqueuil, sa belle-fille, le fut et ne put s'en taire. Elle m'en parla l'année suivante, lorsque j'avais déjà quitté leur maison. Cela m'engagea à lui écrire à ce sujet une lettre qu'on trouvera dans mes recueils, et dans laquelle j'expose celle de mes raisons que je pouvais dire sans compromettre Madame Levasseur et sa famille, car les plus déterminantes venaient de là, et je les tue. Je suis sûre de la discrétion de Madame Dupin et de l'amitié de Madame de Chenonceau. Je l'étais de celle de Madame de Franqueuil, qui d'ailleurs mourut longtemps avant que mon secret fût ébruité. Jamais il n'a pu l'être que par les gens même à qui je l'avais confié, et ne l'a été en effet qu'après ma rupture avec eux. Par ce seul fait, ils sont jugés. Sans vouloir me disculper du blâme que je mérite, j'aime mieux en être chargé que de celui que mérite leur méchanceté. Ma faute est grande, mais c'est une erreur. J'ai négligé mes devoirs, mais le désir de nuire n'est pas entré dans mon cœur, et les entrailles de père ne sauraient parler bien puissamment pour des enfants qu'on n'a jamais vus. Mais trahir la confiance de l'amitié, violer le plus saint de tous les pactes, publier les secrets versés dans notre sein, déshonorer à plaisir l'ami qu'on a trompé et qui nous respecte encore en nous quittant, ce ne sont pas là des fautes, ce sont des bassesses d'âme et des noirceurs. J'ai promis ma confession, non ma justification. Aussi, je m'arrête ici sur ce point. C'est à moi d'être vrai, c'est au lecteur d'être juste. Je ne lui demanderai jamais rien de plus. Le mariage de M. de Chenonceau me rendit la maison de sa mère encore plus agréable par le mérite et l'esprit de la nouvelle mariée, jeune personne très aimable et qui parut me distinguer parmi les scribes de M. Dupin. Elle était fille unique de Mme la vicomtesse de Rochechouart, grande amie du comte de Friese et par contre-coup de Grimm, qui lui était attaché. Ce fut pourtant moi qui l'introduisit chez sa fille. Mais leurs humeurs ne se convenant pas, cette liaison n'eut point de suite. Et Grimm, qui dès lors visait au solide, préféra la mère, femme du grand monde, à la fille qui voulait des amis sûrs et qui lui convinssent, sans se mêler d'aucune intrigue ni chercher du crédit parmi les grands. Madame Dupin, ne trouvant pas dans Madame de Chenonceau toute la docilité qu'elle en attendait, lui rendit sa maison fort triste. Et Madame de Chenonceau, fière de son mérite, peut-être de sa naissance, aima mieux renoncer aux agréments de la société et rester presque seule dans son appartement que de porter un joug pour lequel elle ne se sentait pas faite. Cette espèce d'exil augmenta mon attachement pour elle par cette pente naturelle qui m'attire vers les malheureux. Je lui trouvais l'esprit métaphysique et penseur, quoique parfois un peu sophistique. Sa conversation, qui n'était point du tout celle d'une jeune femme qui sort du couvent, était pour moi très attrayante. Cependant, elle n'avait pas 20 ans. Son teint était d'une blancheur éblouissante, sa taille eût été grande et belle, si elle se fût mieux tenue. Ses cheveux, d'un blond cendré et d'une beauté peu commune, me rappelaient ceux de ma pauvre maman dans son bel âge, et m'agitaient vivement le cœur. Mais les principes sévères que je venais de me faire et que j'étais résolue de suivre à tout prix me garantirent d'elle et de ses charmes. J'ai passé, durant tout un été, 3 ou 4 heures par jour tête à tête avec elle, à lui montrer gravement l'arithmétique et à l'ennuyer de mes chiffres éternels, sans lui dire un seul mot galant ni lui jeter une œillade. 5 ou 6 ans plus tard, je n'aurais pas été si sage ou si fou. Mais il était écrit que je ne devais aimer d'amour qu'une fois en ma vie, et qu'une autre qu'elle aurait les premiers et les derniers soupirs de mon cœur. Depuis que je vivais chez Madame Dupin, je m'étais toujours contentée de mon sort, sans marquer aucun désir de le voir amélioré. L'augmentation qu'elle avait faite à mes honoraires, conjointement avec M. de Franqueuil, était venue uniquement de leur propre mouvement. Cette année, M. de Franqueuil, qui me prenait de jour en jour plus en amitié, songea à me mettre un peu plus au large et dans une situation moins précaire. Il était receveur général des finances. M. Dudoyer, son caissier, était vieux, riche et voulait se retirer. M. de Franqueuil m'offrit cette place, et pour me mettre en état de la remplir, j'allais pendant quelques semaines chez M. Dudoyer prendre les instructions nécessaires. Mais, soit que j'eusse peu de talent pour cet emploi, soit que Dudoyer, qui me parut vouloir se donner un autre successeur, ne m'instruisit pas de bonne foi, j'acquis lentement et mal les connaissances dont j'avais besoin. Et tout cet ordre de comptes embrouillés à dessein ne put jamais bien m'entrer dans la tête. Cependant, sans avoir saisi le fin du métier, je ne laissais pas d'en prendre la marche courante assez pour pouvoir l'exercer rondement. J'en commençais même les fonctions, je tenais les registres et la caisse, je donnais et recevais de l'argent, des récépissés, et quoique j'eusse aussi peu de goût que de talent pour ce métier, la maturité des ans commençant à me rendre sage, j'étais déterminée à vaincre ma répugnance pour me livrer tout entière à mon emploi. Malheureusement, comme je commençais à me mettre en train, M. de Franqueuil fit un petit voyage durant lequel je restais chargée de sa caisse, où il n'y avait cependant pour l'or que 25 à 30 000 francs. Les soucis, l'inquiétude d'esprit que me donna ce dépôt me firent sentir que je n'étais point fait pour être caissier, et je ne doute point que le mauvais sang que je fis durant cette absence n'ait contribué à la maladie où je tombais après son retour. J'ai dit dans ma première partie que j'étais né mourant. Un vice de conformation dans la vessie me fit éprouver, durant mes premières années, une rétention d'urine presque continuelle, et ma tante Suzon, qui prit soin de moi, eut des peines incroyables à me conserver. Elle en vint à bout cependant. Ma robuste constitution prit enfin le dessus, et ma santé s'affermit tellement durant ma jeunesse qu'excepté la maladie de langueur dont j'ai raconté l'histoire, et de fréquents besoins d'uriner que le moindre échauffement me rendit toujours incommode, je parvins jusqu'à l'âge de 30 ans, sans presque me sentir de ma première infirmité. Le premier ressentiment que j'en eus fut à mon arrivée à Venise. La fatigue du voyage et les terribles chaleurs que j'avais souffertes me donnèrent une ardeur d'urine et des maux de rein que je gardais jusqu'à l'entrée de l'hiver. Après avoir vu la Padoana, je me crus mort et n'eus pas la moindre incommodité. Après m'être épuisé plus d'imagination que de corps pour ma Giulietta, je me portais mieux que jamais. Ce ne fut qu'après la détention de Diderot que l'échauffement contracté dans mes courses de Vincennes, durant les terribles chaleurs qu'il faisait alors, me donna une violente néphrétique, durant laquelle je n'ai jamais recouvré ma première santé. Au moment dont je parle, m'étant peut-être un peu fatigué au maussade de travail de cette maudite caisse, je retombais plus bas qu'auparavant et je demeurais dans mon lit 5 ou 6 semaines, dans le plus triste état que l'on puisse imaginer. Madame Dupin m'envoya le célèbre Morand, qui, malgré son habileté et la délicatesse de sa main, me fit souffrir des maux incroyables et ne put jamais venir à bout de me sonder. Il me conseilla de recourir à Daran, dont les bougies plus flexibles parvinrent en effet à s'insinuer. Mais, en rendant compte à Madame Dupin de mon état, Morand lui déclara que dans 6 mois je ne serais pas en vie. Ce discours, qui me parvint, me fit faire de sérieuses réflexions sur mon état et sur la bêtise de sacrifier le repos et l'agrément du peu de jours qui me restait à vivre à l'assujettissement d'un emploi pour lequel je ne me sentais que du dégoût. D'ailleurs, comment accorder les sévères principes que je venais d'adopter avec un état qui s'y rapportait si peu? Et n'aurais-je pas bonne grâce, caissier d'un receveur général des finances, à prêcher le désintéressement et la pauvreté? Ces idées fermentèrent si bien dans ma tête avec la fièvre, elles s'y combinèrent avec tant de force que rien depuis lors ne les en put arracher. Et durant ma convalescence, je me confirmais de sang-froid dans les résolutions que j'avais prises dans mon délire. Je renonçais pour jamais à tout projet de fortune et d'avancement. Déterminé à passer dans l'indépendance et la pauvreté le peu de temps qui me restait à vivre, j'appliquais toutes les forces de mon âme à briser les fers de l'opinion et à faire avec courage tout ce qui me paraissait bien, sans m'embarrasser aucunement du jugement des hommes. Les obstacles que j'eus à combattre et les efforts que je fis pour en triompher sont incroyables. Je réussis autant qu'il était possible et plus que je n'avais espéré moi-même. Si j'avais aussi bien secoué le joug de l'amitié que celui de l'opinion, je venais à bout de mon dessein, le plus grand peut-être, ou du moins le plus utile à la vertu que mortel ait jamais conçue. Mais, tandis que je foulais aux pieds les jugements insensés de la tourbe vulgaire des soi-disant grands et des soi-disant sages, je me laissais subjuguer et mener comme un enfant par de soi-disant amis, qui, jaloux de me voir marcher seul dans une route nouvelle, tout en paraissant s'occuper beaucoup à me rendre heureux, ne s'occupaient en effet qu'à me rendre ridicule, et commencèrent par travailler à m'avilir, pour parvenir dans la suite à me diffamer. Ce fut moins ma célébrité littéraire que ma réforme personnelle, dont je marque ici l'époque, qui m'attira leur jalousie. Ils m'auraient pardonné peut-être de briller dans l'art d'écrire, mais ils ne purent me pardonner de donner dans ma conduite un exemple qui semblait les importuner. J'étais née pour l'amitié, mon humeur facile et douce la nourrissait sans peine. Tant que je vécus ignorée du public, je fus aimée de tous ceux qui me connurent, et je n'eus pas un seul ennemi. Mais sitôt que j'eus un nom, je n'eus plus d'amis. Ce fut un très grand malheur. Un plus grand encore fut d'être environné de gens qui prenaient ce nom et qui n'usèrent des droits qu'ils leur donnaient que pour m'entraîner à ma perte. La suite de ces mémoires développera cette odieuse trame. Je n'en montre ici que l'origine. On en verra bientôt former le premier nœud.